souviens, je me souviens, et toujours je te souris. Dans mes joies ou dans mes peines, sous le ciel bleu ou sous l'orage, je me souviens, je me souviens, et toujours je te souris. À travers monde, à travers plaine, les pieds sur terre ou dans les nuages, je me souviens, et toujours je te souris. Dans le jour et sa vie pleine, dans la nuit peuplée.